Frédéric Sigrist, c'est à vous pour votre blockbuster et vous nous parlez de la toute dernière série de Star Wars disponible sur Disney+, Obi-Wan Kenobi. Oui, Laetitia, parce que l'entreprise Disney continue de s'amuser avec les petites figurines que lui a vendues George Lucas en 2012 et tient désormais à nous montrer tous les deux mois les jolies petites histoires qu'elle s'est inventées. Avec l'espoir, un peu comme un enfant quand il nous montre un dessin très moche qu'on lui monte en lui disant « Oh, quelle est belle ta série! Qu'est-ce que t'es doué! T'as jamais pensé à faire du cinéma? Tu dois être HPI !» J'ai le sentiment que pour le résultat n'est pas vraiment à la hauteur. Ah bah bien sûr que non. Parce que Star Wars, n'en déplaise à Disney, c'est avant tout du cinéma. Regarder Star Wars en série, c'est un peu comme lire l'Iliade sur un post-it. Alors c'est sympathique de produire à la chaîne des séries bouche-trou qui font le lien entre les films. On vous a fait une mini-série de 6 épisodes qui va vous raconter la vie trépidante de la mère de Chewbacca qui s'est étouffée en avalant une pelote de poil entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Une exclusivité Disney+. Mais il faut y mettre les formes. La série Le Mandalorian, par exemple, c'était pas mal parce que le personnage était nouveau. Obi-Wan Kenobi, c'est une autre histoire. Obi-Wan Kenobi, c'est le maître de Luke Skywalker et de son père, Anakin Skywalker, celui qui est devenu Dark Vador, l'asthmatique fasciste le plus connu du cinéma. Un rôle d'abord tenu par Alec Guinness dans la première trilogie, et ensuite par Ewan McGregor dans la seconde. Obi-Wan, c'est selon moi le Jedi le plus important de la saga, donc faire revenir un personnage aussi important, ça demandait qu'on mette les petits plats dans les grands. Bon bah là, niveau mise en scène, Disney, ils sont venus avec des assiettes en carton, hein. Je sais qu'ils tournent dans un cube fait avec des écrans géants qui leur donnent l'impression d'être en extérieur, mais là, on dirait qu'ils ont eu accès au budget décor d'une maison témoin Ikea. Alors ok, George Lucas n'a jamais été un grand directeur d'acteurs. Hein. Il était discret comme le premier mois d'Elizabeth Borne un lendemain d'élection. Tu sentais que les acteurs comprenaient le film qu'ils avaient tourné le jour de la sortie DVD. Mais au moins, il avait un sens de la mise en scène qui faisait même exister des personnages qui ne disaient rien. La course de Pod Race ou l'apparition de Darth Maul dans La Menace Fantôme avec la musique de John Williams, souvenez-vous. C'est magnifique ça! La bataille de l'étoile noire dans le tout premier Star Wars. Autant de moments qu'on aime ou qu'on n'aime pas qui sont rentrés dans l'histoire du cinéma du 20e et du 21e siècle. Donc j'imagine, Frédéric, que les fans... Le fan est déçu. Oui, mais en même temps, quand est-ce que les fans de Star Wars ne sont pas déçus? Parce que comment contenter un fan de Star Wars? D'ailleurs, c'est qui un fan de Star Wars? Un spectateur qui a grandi avec la première trilogie, qui avait 9 ans, 77 et 54 aujourd'hui? Le fan de la prélogie, qui a la trentaine? Ou le fan des épisodes 7, 8, 9 qui en a... Non, je rigole, il n'y a pas de fan de l'épisode 7, 8, 9. À tout cela, t'ajoutes une partie de fans toxiques comme le bidet de Godzilla qui harcèle tellement les comédiens et les comédiennes que Disney est désormais obligé de prendre ça en compte. Si t'es une femme ou un noir qui joue dans Star Wars, tu as désormais accès à une cellule de soutien psychologique tellement tu sais que tu vas t'en prendre plein la tête. Moi, quand ça commence à parler de Star Wars au repas de famille, je vire tout de suite sur un sujet moins touchy, la politique, le burkini, franchement, c'est plus sûr. Donc la série Obi-Wan, on évite. Je dirais pas ça, Laetitia. Oh bah. Non, je dirais pas ça. Parce que déjà, je suis fan, donc il faut la regarder. Et puis surtout parce que derrière un cahier des charges impossible à tenir, il y a un très bon acteur, Ewan McGregor, qui a enfin des choses à jouer. Comme une sorte de revanche sur la grosse machine pleine d'effets spéciaux d'antan. Le manque d'ambition dans l'action est compensé par des dialogues qui amènent une gravité et une sensibilité souvent absente des longs métrages. Obi-Wan est un Jedi brisé, hanté par son passé, qui voit une galaxie ravagée par le fascisme, conséquence de son aveuglement et de celui des Jedi. On sait tous que Dark Vador et le père de Luke, la série nous rappelle que sans le vouloir, Obi-Wan est le père, entre guillemets, de Dark Vador. C'est un Obi-Wan déconstruit mentalement, tout comme Anakin l'a été physiquement. Même le patriarcat des Jedi est ici remis en question. Obi-Wan, c'est une série sur un héros qui a échoué et qui le reconnaît. Et franchement, Laetitia, vous en connaissez beaucoup, vous, des histoires où un homme reconnaît enfin ses torts? Non. Voilà. Donc il faut regarder Obi-Wan.